Maman, tu m'as laissé, faut que je pose des questions. Pourquoi tu m'as laissé ici comme un gourmand? Dans cette vie de paix, dès qu'il y a des enfoirés. Putain, je suis trop lourd, obligé de m'énerver. Ils essaient d'enculer, ils essaient de me baisser. Ils ne font pas le poids, mais ça, ils le savent pas. Ils ne me connaissent pas, pourtant parle de moi. Putain, maman, faut que je te pose des centaines de questions. Je reste en réponse depuis tout petit. Tu m'as laissé grandir en famille d'accueil envoyé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aujourd'hui, j'ai la haine, que j'y rêve la nuit, que je fais des cauchemars. Putain, dans cette vie, il n'y a que des bâtards. Tous ferment leur gueule comme des putains de canards. Ils veulent que je les éclate, ils veulent toujours la fermer. Ils veulent faire les malins, mais putain, écoute ça. Ils font les malins, tous des gros fils de pute. Ils font les malins, ouais, tous des temps 12. Toutes leurs meufs, ouais, ce sont tous des putes. Elles veulent que je les baise, elles veulent que je les laisse. Elles veulent que je les mette à l'aise, elles veulent que je les crève. Elles veulent que je les brûle, elles veulent que je les censure. Putain, la mère ne fait pas le point, elles viennent me voir. Elles veulent toutes que je les nique, elles veulent toutes que je les baise. Elles veulent que je la romantique, elles veulent que j'attende ma bagnole. Elles veulent que je la donne en portrait aussi ma carte de crise. Et qu'est-ce qui veut ne tout pas à mon continent, je vais te niquer. Tu sais quoi, tu me connais pas, vas-y, pas ton niquer. Tu sais quoi, pour moi, t'es une petite pucelle de merde. Et tous des fils de pute ici, je vais tous les enculer. Arrête de faire le malin, sinon toi, tu vas pas comprendre. Tu sais quoi, tu connais, c'est pas important de me suivre. Tu comprends pas ce que je dis, tu ne comprends rien du tout. Tu parles pas français, moi, je parle pas la rame ni l'angle. Et moi, je t'emmerde, je t'encule, putain, je suis pas de cette ville. Et si tu veux me niquer, vas-y, vas-y, reste tranquille. Sinon, moi, je vais péter les dents à coups de bourrin. Moi, je suis un fou et je m'en bats les couilles de toi. Je m'en bats les couilles de ta famille et m'en bats les couilles de tes amis. Si tu veux faire le malin, tu peux toujours essayer. Vas-y, viens me tasser, tu connais déjà mon place. Mes potos me connaissent, ils savent de quoi je suis capable. Vas-y, va te faire enculer, ouais, je suis pas incassable. Je suis pas invincible, mais je vous emmerde tout le monde. Des vins enculés. Si tu veux me tester, tu peux toujours essayer. Ça, je te l'ai déjà dit. Tu sais où je changerai pas d'adresse pour ta gueule, fils de pute. Va niquer ta grand-mère. Va niquer ta soeur et puis moi, je baisse ta femme. Ta fille, je la bouge, je vais la chercher à l'école. Séquestration pour une putain de raison. Va te faire enculer, putain de polisson. Ne joue pas les malins quand tu ne fais pas le poids. Si tu veux me tester, vas-y, tu peux toujours essayer. Je te l'ai déjà dit. Je changerai pas d'adresse, numéro de téléphone. Je pour ta gueule, vas-y, viens me tester. Va te faire enculer, gros pédé, ta mère. Te faire enculer, vas-y, je t'emmerde. Putain, j'aime pas la police et j'aime pas la politique. J'aime pas les militaires avec leur putain de guerre. Beaucoup d'innocents qui crèvent dans tous les pays. Ok, banal, t'es coupé, alors on a plus de temps. Ces putains de juifs viennent niquer les arabes. Et qu'est-ce que tu veux, j'ai dit que c'est la colonisation. Elle est déjà finie depuis longtemps, putain. Et ces gros bouffons veulent toujours plus de pouvoir. Toujours plus d'argent, putain de connard. Va te faire enculer si tu veux me tester. Je te l'ai déjà dit, moi, je vais te détester. Vas-y, lis mon texte, vas-y, tes textes. Tu veux que je te dise, putain, maman, à cause de toi, la vie n'est pas marrante. Moi, je vous emmerde, je vous encule tous. Je trouverai ma rare, reste pas dans cette ville. Tous tes fils de pédé, tous ces fils de pute. Tu peux me tester, mais ça c'est déjà dit. Je m'appelle Marshall Mike, appelle-moi comme tu veux. Je m'appelle Marshall Mike, appelle-moi comme tu veux. Si tu veux me tester, espèce de petit bouffon, tu peux toujours essayer, moi je t'emmerde un gros con. Hey. Yo, yo, yo. Hey. Yo, yo, question pour un champion. Question pour du pognon. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la